si je mince, lorsque les souris dansent. On sait qu'un chat cul-de-jatte cherche ses quatre pattes. Tous les chiens aboyants, leur langue bien pendue, se sauvent des passants qui leur marchent dessus. Dans le quartier Jeanne-Mance, lorsque les souris dansent, on sait que le vieux Belchat a perdu sa maroura. Les policiers ne s'y présentent plus depuis plusieurs années. Ils ne recevront plus leur dû, les parcomètres sont fanés. Lorsque les souris dansent, je vous dis qu'il n'y a pas de quoi à être fier, à être un chat de gouttière. J'y suis déjà allé une fois, j'ai eu la peur de ma vie. On ne m'y reprendra pas, j'ai la souriphobie. Maintenant dans le quartier Jeanne-Mance, toutes les souris dansent. Il n'y aura plus d'enfants, ce sera l'enfer pour des éléphants. Dans le quartier Jeanne-Mance, lorsque les souris dansent, on sait qu'un chat cul-de-jatte cherche ses quatre pattes. Lorsque les souris dansent, on sait qu'un chat cul-de-jatte cherche ses quatre pattes.